Madame Marneffe lâcha Crevelle, s'agenouilla de nouveau devant son fauteuil, joignit les mains, et dans quelle pose ravissante, et dit avec une incroyable onction la prière suivante. « Et vous, Sainte Valérie, ma bonne patronne, pourquoi ne visitez-vous pas plus souvent le chevet de celle qui vous est confiée? Ah, venez ce soir, comme vous êtes venue ce matin, m'inspirez de bonnes pensées, et je quitterai le mauvais sentier, je renoncerai, comme Madeleine, aux joies trompeuses, à l'éclat monteur du monde, même à celui que j'aime tant. « Ma louloute !» dit Crevelle. « Il n'y a plus de louloute, monsieur !» Elle se retourna, fière comme une femme vertueuse, et les yeux humides de larmes, elle se montra digne, froide, indifférente. « Laissez-moi, » dit-elle en repoussant Crevelle. « Quel est mon devoir ? D'être à mon mari. Cet homme est mourant, et que fais-je ? Je le trompe au bord de la tombe. Il croit votre fils à lui. Je vais lui dire la vérité. Commencez par acheter son pardon, avant de demander celui de Dieu. Quittons-nous. Adieu, monsieur Crevelle !» reprit-elle debout, en tendant à Crevelle une main glacée. « Adieu, mon ami. Nous ne nous verrons plus que dans un monde meilleur. Vous m'avez dû quelque plaisir, bien criminel. Maintenant je veux, oui, j'aurai votre estime. » Crevelle pleurait à chaudes larmes,